Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Mon vieux Daniel Guichard sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 21 novembre 1943, naissance de Jacques Lafitte, ancien coureur automobile français qui a disputé 176 Grands Prix de Formule 1 et remporté 6 victoires entre 1974 et 1986. 1945, naissance de Goldie Hawn, actrice américaine vue dans Fleur de Cactus dans le rôle de Toni Simons, récompensé par l'Oscar du meilleur second rôle féminin et par un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. 1948, naissance de Daniel Guichard, chanteur français. 1963, naissance de Nicolette Sheridan, actrice britannico-américaine, vue dans la série Côte Ouest dans le rôle de Paige Matheson, Desperate Housewives dans le rôle d'Eddie Britt. Depuis 2018, elle joue dans la série Dynasty le rôle d'Alexis Morel Carrington. 1965, naissance de Björk, chanteuse islandaise. 1984, naissance de Jenna Malone, actrice américaine vue dans Ma meilleure ennemie, Orgueil et préjugé dans le rôle de Lydia Bennett, Into the Wild dans le rôle de Karen McCandless et Hunger Games, l'embrasement et Hunger Games, la révolte partie 1 et partie 2 dans le rôle de Joanna Mason. 1985, naissance de Carly Rae Jepsen, chanteuse canadienne. 1986, naissance de Ben Bishop, hockeyeur sur glace américain évoluant en poste de gardien de but qui a joué pour les Blues de Saint-Louis, pour les Sénateurs d'Ottawa, pour le Lightning de Tampa Bay, pour les Kings de Los Angeles et depuis 2017, il est le gardien des Stars de Dallas. 1989, naissance d'Antoine Roussel, hockeyeur sur glace franco-canadien qui a évolué de 2012 à 2018 en NHL pour les Stars de Dallas. Et depuis cette saison, il joue toujours en NHL, mais cette fois-ci pour les Canucks de Vancouver. En 1916, décédé François-Joseph Ier, empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie. En 1993, décédé Bill Bixby, acteur américain connu pour son rôle du docteur Banner dans la série L'Incroyable Hulk entre 1977 et 1982, ainsi que ses suites. Allez, avant de marquer une pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma. Comme tous les mercredis, on commence avec Les Bonnes Intentions, comédie de dramatique de Gilles Legrand avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov ou encore Tim Seffi. Autre film, Overlord, un film d'épouvante d'horreur de Julie Savary avec Jovan Adepo, Wyatt Russell ou encore Pilou Asbeck. Autre film, Mauvaise Herbe, comédie de et avec Kéron, aux côtés de Catherine Deneuve ou encore André Dussolier. Autre film, Amanda, un drame de Michael Hirst avec Vincent Lacoste, Isor Moltrier ou encore Stacy Martin. Autre film, Hard Eight, un thriller de Paul Thomas Anderson avec Philip Baker Hall, John Reilly ou encore Gwyneth Paltrow. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite Björk avec son titre It's Oh So Quiet. So quiet, shh, shh, it's oh so still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you wanna gonna cry, you crush your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. And I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big riot. C'était Björk sur le 107FM. Un peu plus de 8h43 minutes et il est temps pour nous, eh bien, de parler météo. La météo. Alors, on va pas se cacher, ce matin, c'est une météo un petit peu bizarre, puisque si je regarde de part et d'autre des studios de Radio Gémozo, à droite, j'ai un ciel très chargé, et à gauche, un ciel un peu plus éclairci, avec même un petit peu de soleil. Donc voilà, ce sera comme ça un petit peu tout au long de la journée, avec peut-être même de la pluie à prévoir pour ce matin. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, elles seront comprises entre 3 et 4 degrés cet après-midi. Pour jeudi, ce sera du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin, entre 6 et 8 degrés l'après-midi. Vendredi, ce sera principalement nuageux avec tout de même quelques petites éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 0 degré vendredi matin et entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le foot et le match amical d'hier soir qui opposait la France à l'Uruguay. Les Français qui avaient à cœur de se reprendre après la défaite aux Pays-Bas et de bien terminer l'année, eh bien, c'est chose faite. Ils ont montré un bien meilleur visage, que ce soit en attaque, en milieu de terrain ou en défense. Hugo Lloris n'a pas eu grand-chose à faire hier soir, tant mieux. Ça a dû le changer un petit peu. Quelques belles occasions occasions, hein, notamment d'Mbappé, deux belles occasions d'Mbappé, qui est sorti prématurément d'ailleurs, hein, sur blessure, touché à l'épaule, suspicion d'une épaule déboîtée, mais il faudra confirmer tout ça avec des examens médicaux qu'il passera donc aujourd'hui. Antoine Griezmann qui a obtenu un pénalty et qui a laissé tirer ce pénalty par Olivier Giroud qui a pu inscrire son 33e but en équipe de France. Et la France qui s'impose d'ailleurs 1-0. Giroud qui a été remplacé par Alassane Pléa qui a donc connu ainsi ses premières minutes en bleu. Tout comme Ferland Mendy qui lui a débuté la rencontre et qui a disputé d'ailleurs un très beau match pour son premier match avec les Bleus. Et on va parler de Neymar qui, pareil, s'est blessé lors du match d'hier avec le Brésil. C'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Un petit peu plus d'une semaine ou un petit peu moins d'une semaine du match PSG-Liverpool en Ligue des Champions. Voilà, Neymar blessé. Kylian Mbappé blessé également, même si c'est quand même un petit peu moins grave que la blessure de Neymar, mais Mbappé pourrait également être absent. Donc voilà, gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais affaire à suivre bien évidemment. On va parler de la Coupe de France, puisque hier a eu lieu le tirage au sort. Tant les Vosges recevra le club de Ligue 2 de Valenciennes, Épinal se déplacera à l'Olympique Strasbourg, Reims-l'Étape recevra le club de Lusitanos, Nancy se déplacera à Saint-Louis. Et Metz se déplacera à Wassel. Un mot de basket avec les résultats NBA. Orlando s'est incliné 91-93 face à Toronto. Les 27 points d'Evan Fournier n'ont pas suffi malheureusement. L'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué s'est imposée 125-118 face aux Clippers de Los Angeles. Et enfin, les Knicks de New York de Tilikina à 7 points se sont inclinés 114-118 face à l'équipe de Portland. Et on termine avec le hockey sur glace et la CHL, je vous rappelle que c'est un petit peu comme la Ligue des Champions au foot. Et Rouen s'est malheureusement incliné hier soir à Salzbourg, 5-1. Le parcours en CHL des Dragons de Rouen s'arrête donc ainsi, mais soulignez quand même le très beau parcours des Dragons dans cette CHL que je vous rappelle, c'était historique pour un club français. Voilà pour l'actu sportif, on va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Carly Rae Jepsen et le titre Call Me Maybe. We'll be right back.